De merde ont créé chez vous de la pitié, alors que c'est votre pitié qu'elles auraient dû suggérer. Il ne faut plus avoir honte d'admettre les pièges qui nous ont tendus, les pièges dans lesquels nous sommes tombés, des choses sévères, nos élocutions pleines de verbes, voilà nos visions. Vous hallucinerez quand nous perdrons nos illusions.